Join me on RIG. Oh, la partie, c'est un toujours de l'expo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir tout le monde, bonsoir mademoiselle, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Eh oui, je suis le old school, moi je dis bonsoir mademoiselle, même si on ne dit plus soi-disant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous sommes le 9 mars 2022, nous sommes dans la saga des Fab Four numéro 526 et l'album de la semaine est un album masterpiece, un chef-d'œuvre. Ben on the Run de Paul McCartney en 1973. On écoutera forcément la chanson éponyme, Ben on the Run. Il y aura également Jet, il y aura Let Me Roll It, la superbe imitation de John Lennon par Paul McCartney. Il y aura Bluebird, il y aura Picasso's Last Words, Drink to Me, on vous expliquera comment est née cette chanson. Et 1985, on ne pouvait pas passer à côté de cette chanson-là. Il en manque forcément, mais il y a toujours 6 extraits de l'album de la semaine, rarement plus. Quelquefois en double quand c'est un double album, mais bon. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, par exemple, Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox, sur Worlds and Bridges en 1974. C'est curieux, moi j'aurais dit Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradise. Ça rimait. Mais il en a choisi autrement. Et puis je ne suis pas John Lennon. Je vous proposerai une version de My Sweet Lord qui vient de la version faite en l'an 2000. Une version légèrement différente, actualisée, qui est sympa aussi, qui vaut le coup d'oreille. Et puis pour Ringo Starr, ce sera Sunshine, Life for Me, Sail Away, Raymond sur l'album Ringo en 1973. Quant aux Beatles, ils nous chanteront dès le début pour nous mettre en forme Penny Lane, le single sorti en 1967 sur l'album Magical Mystery Tour. Il était sur cet album-là. Bref, nous allons passer 2 heures et un petit peu plus parce qu'Eric ne sera pas là. On va aller sur la programmation jusqu'au bout sans rien couper parce que je vous cache que de temps en temps, je vous enlève 1, 2 ou 3 chansons pour essayer d'être à peu près à l'heure pour Eric. Mais là, quand il n'est pas là, on va tout faire jusqu'au bout. Voilà. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et on commente dans là où il y a l'image de Ben on the Run de McCartney. Et on commence tout de suite avec Ben on the Run. Je vais me mettre à la mission, ne vous inquiétez pas. Je suis arrivé il n'y a pas très très longtemps. Je vais me mettre dans le bain. Ça va venir. Ben on the Run sur RIG. Get out of here. Du titre évoque avant tout un groupe d'individus échappés de prison. Le personnage de Sailor Sam, Sam le marin, vient de la bande dessinée pour enfants Rupert l'ours. Il se fondait bien dans le décor. La principale caractéristique de cette chanson, c'est qu'elle raconte une histoire. Elle parle de liberté. À l'époque, beaucoup d'entre nous avions l'impression de pouvoir nous affranchir des pesanteurs de la société. C'est pour cette raison que le rock'n'roll est génial. Cette musique permet d'enfreindre les règles. Parmi celles qui sont transgressées, on peut citer l'idée selon laquelle un morceau doit être complexe pour être de qualité. wanna be with you. I like to see you lost, but with me takes a long. Cette chanson que vous retrouvez sur un single, comme le met si bien Yann sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, ou sur le remaster de l'année 2000 de All Things Must Pass, en bonus track. On reste avec George Harrison un petit peu, puisqu'il a plus que largement participé à cette chanson, Sunshine Life for Me, Sail Away Raymond, chanson chantée par Ringo Starr en 1973 sur un album qui s'appelle Ringo. Ringo, hein, pas Gringo. Sunshine life for me. If I could get away from this cloud over me, seems just follow me around. It's a sunshine life for me. If I could get away

Paul McCartney en 1967. On reste avec lui 6 ans plus tard et l'album de la semaine, Ben on the Run, et cette chanson Jet. Je tire ce que je vais vous dire des propos écrits par Paul McCartney dans son double coffret de deux gros livres là qui s'appellent Lyrics tout simplement. À l'époque où Jet m'est venu, je m'efforçais d'instiller au morceau des Wings un son différent de celui des Beatles. Jet est en fait le nom d'un poney Shetland qu'on avait accueilli à la ferme pour les enfants. Ma fille Marie avait 4 ans en 73. J'étais en Écosse avec ma guitare, j'ai laissé mon esprit divaguer. Certaines images découlent du rapport de Linda avec son père. Le Sergeant Major est inspiré d'une pièce d'opéra comique et d'une sitcom britannique. Quant à Mater, mère, c'est une figure imaginaire ou peut-être ma mère en filigrane. Quand je suis redescendu de la colline, en fin d'après-midi, j'avais la chanson. C'est cette chanson qu'on écoute, Jet, sur RIG. Yeah. real thing, isn't it? Je l'ai laissé jusqu'au bout cette fois-ci. Ringo, le Ringo qu'on aime bien. Are You Ready sur l'album Liverpool 8 en 2008. J'aime beaucoup cette façon très country qu'a Ringo de chanter. Ça lui va très très bien. Et là, la voix est déformée, mais c'est voulu pour la chanson. Et bon, tant que c'est pas tout l'album qui est comme ça, c'est plutôt très très très sympa. Vous êtes à l'écoute de la saga des Fab Four, numéro 526. Oui, 526 sur cette radio, mais... Cette saga a été créée en 1984, donc il y a bientôt 40 ans, c'est dingue. On fêtera, j'espère, ici, sur cette radio. Et je vous propose de continuer, puisque on est dans les Beatles depuis 1962, octobre 1962, avec Love Me Do, jusqu'à maintenant, puisque une fois séparés, ils ont continué à faire des disques. Et tant qu'ils continuent à en sortir, eh bien, on sera là pour vous proposer des 33 tours, enfin des singles, des CD, des disques numériques, comme vous voulez. Je ne sais pas ce qui se produira dans le futur de Ringo, de Paul, de John, de George. Bref, tout ça, c'est très très bien. Moi, j'adore. Et puisque vous, vous êtes là, vous êtes sur Facebook et vous êtes peut-être aussi à l'écoute sur 90.7, hein, pourquoi pas, dans la région bordelaise. C'est très très bien. Peut-être même que vous êtes en train de manger une crêpe, hein, une crêpe. Et j'envoie une grosse bise à Agathe et à Madeleine et à Diane aussi qui doit écouter et à Fabrice aussi qui doit être derrière les fourneaux et au client de cette crêperie qui est à Talence et qui est absolument fabuleuse. Bref, voici George Harrison. Ça n'a aucun rapport. George Harrison sur Dark Horse en 1974. Non, c'est tranquille, hein, c'est Simply Shady. C'est sur RG, dans la saga des Fab Four. Somebody brought juice up. I thought I'd take a sip. Came off the rails so crazy. My senses took a dip. Before the bottle hit the floor, and I had time to think. Blinded by desire, the elephant turned pink. Anymore.

take me back? Can you take me back where I came from, Brahma? Can you take me back? Can you take me back? Can you take me where I came from? Can you take me back? Deux Beatles à la suite sur RIG. Le premier, c'était Mother Nature's Son sur l'album blanc, le White Album, comme on dit. Et le second, c'était à l'instant Cry, Baby Cry, chanté par John. Et le premier était chanté par Paul, bien évidemment. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ben on the Run, sorti en 1973 par Paul McCartney. Et cette chanson, la chanson sur laquelle Paul McCartney s'amuse à imiter John Lennon. Voici ce que dit Paul McCartney au sujet de cette chanson-là. John adorait l'écho sur la voix et l'utilisait beaucoup plus que nous. C'est devenu sa signature sonore pour ses disques solo. Quand j'ai chanté Let Me Roll It pour la première fois, j'ai pensé, ça ressemble vraiment à une chanson de John. Pourtant, la chose la plus importante n'est pas l'écho, pas la manière de chanter, pas les paroles non plus. C'est le riff, très Lennon. J'avoue que Roll It To You a un rapport avec se rouler un joint. C'était courant à l'époque. Au fond, Let Me Roll It est une chanson d'amour. Mais rouler a aussi un autre sens, plus érotique, qui renvoie à l'essence du rock'n'roll. Le cours de la chanson est constamment interrompu, ce qui est tout à fait à l'image de ce qui se passe quand on est pris dans l'élan amoureux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson que voici sur RIG Let Me Roll It, quand Paul McCartney imite John Lennon. À la perfection, bien sûr. renforcer le côté caméléon jusqu'à rajouter le cri à la fin, genre style John Lennon sur l'album Plastic Ono Band. Bien, bien joué. On dirait du John Lennon, c'est ce que me disait ma sœur lorsqu'elle l'écoutait à l'époque. En 1973, quand c'est passé en radio, on a cru au départ que c'était du John Lennon. Eh bien non, c'était du Paul McCartney. Ça, c'est du John Lennon. Sweet Little 16. John, qui se rappelle de son enfance rock'n'roll en 1975 sur l'album justement Rock'n'Roll. RIG 90.7, c'est vraiment la radio des Beatles.

quite important yesterday, and I still go. Encore une fois, deux à la suite, extraits du même album, Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Tout d'abord, Getting Better, le côté optimiste de Paul McCartney, avec tout de suite Lennon derrière qui dit « It couldn't be much worse », ça pourrait pas être pire. Et à l'instant, Fixing a Hole, qui pour la BBC, c'était, il parle encore de drogue, etc. Alors qu'il parlait de son toit, de sa ferme en Écosse, il y avait des trous dans la toiture et il y avait de l'eau qui tombait du toit. Et donc, il réparait le trou dans le toit. Tout simplement, il ne faut pas chercher plus loin de temps à autre. Quelquefois, il n'y a pas d'image, ou plutôt l'image est aussi simple que les paroles le disent. Bref, on revient encore une fois à l'album de la semaine et cette très belle chanson, Bluebird, dans une seconde, sur l'album Ben on the Run, sur RIG, forcément. C'est la saga. Mais oui, c'est la saga. C'est la sur RIG. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door, and you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Nous arrivons au moment de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou après en solo, que ce soit même eux-mêmes qui ont fait une reprise, mais durant ce temps-là, c'est quelqu'un d'autre qui chante cette chanson-là, chantée par les Beatles, admettons. Eh bien, cette fois-ci, c'est une chanson, une reprise, qu'a fait John Lennon en 1975, Stand By Me, mais chanté par un groupe mondial qui s'appelle Playing for Change sur l'album du même nom, Playing for Change, en 2009. Voici Stand By Me sur RIG. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh, avez raison sur Facebook de noter qu'il faut voir la vidéo parce que c'est réalisé tout autour du monde. Chacun a sa petite partie, mais franchement, tout autour du monde, c'est absolument génial. Play for Change et ce morceau, Stand By Me. La chanson suivante, c'est toujours en relation avec les Beatles. C'est l'un des meilleurs potes de George Harrison, c'est Jeff Lynne. Et Jeff Lynne, justement, ce qui est assez amusant, c'est que ça avait mal commencé avec George Harrison. Au début, George Harrison disait à propos de Electric Light Orchestra, ouais, c'est, ils nous ont copiés, donc c'est rien de terrible. Et puis finalement, ils sont devenus vachement potes. Et en 1987, quand George Harrison a voulu refaire un album, il a fait appel à Jeff Lynne. Ils se sont très très bien entendus et sont restés amis largement jusqu'à la fin. Voici, justement, en 2020, donc il y a franchement pas longtemps, avec le fils de George Harrison, Danny Harrison, en live, s'il vous plaît, Handle With Care, Jeff Lynne, avec son groupe Electric Light Orchestra et Danny Harrison. To Danny Harrison. RIG 90.7, c'est C'est la radio des Beatles. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. George Harrison à son meilleur niveau avec les Beatles, Something sur Abbey Road à l'instant. Chanson tellement merveilleuse que Frank Sinatra, lorsqu'il a appris la mort de John Lennon en 1980, a voulu sur scène reprendre cette chanson, Something, en disant c'était l'une des plus belles chansons créées par Lennon et McCartney. Et manque de bol, dommage, c'est une chanson créée par, par George Harrison. Bon, on peut pas toujours avoir juste tout le temps. Il avait une voix extraordinaire, Frank Sinatra. On parle de voix extraordinaire. Voici une chanson que je passe rarement parce que, en fait, je m'en suis lassé assez vite. C'est une chanson qui hurle un petit peu. Et c'était Paul McCartney qui, après avoir fait un truc très très doux, voulait montrer qu'il était rock and roll. Voici avec Youth Out of Sight sur The Bloody Beetroot. voici la chanson. C'était en 2013. Mais c'était juste après Kisses on the Bottom, donc il voulait montrer que non, il a pas toujours, il peut encore faire du rock, quoi. Bon, une fois de temps en temps, c'est bien agréable de monter le son comme ça, à fond la caisse. RIG 90.7, la radio rock and roll. The best thing to do is to lie down beside me. I said I love you. Nothing too much, just on a side. Nothing too much, just on a side. We'll be right back.

Ringo Starr en 2010. Et cette chanson, Last Night, I Had a Peace Dream, eh bien, continue à rêver, parce qu'on en a bien besoin. Merci pour ces messages de peace, monsieur Ringo Starr. On a fait pas mal de deux fois le même artiste. Voici à nouveau, deux fois. George Harrison sur Brainwashed avec Run So Far. Et George Harrison sur un autre album, par contre, Beautiful Girl, à la suite, sur RIG, dans la saga des Fab Four. Traveling far, que j'adore cette chanson Beautiful Girls sur l'album 33 and One Third en 1976, et auparavant il y avait la chanson Run So Far sur Brainwashed en 2002. Run So Far qu'il avait donné auparavant, quelques années auparavant, parce qu'il me semble me souvenir sans mon papier que ça date de 89, il l'avait donné à un monsieur Eric Clapton. Voici Real Love par John Lennon, mais justement par John Lennon, pas par les Beatles. Trouvez ce titre sur l'anthologie Lennon sortie en 98, ou même l'anthologie Highlights qui s'appelle Once Upon a Time en 98 aussi, sur lequel il y a un concentré donc du meilleur de l'anthologie. Une dernière fois l'album de la semaine, parce qu'on n'est plus qu'à 11 minutes de la fin de l'émission, il faut qu'on se dépêche. Voici 1985. En 1973, ça paraissait l'avenir. Maintenant, c'était il y a longtemps. Mais quelle chanson. Montez écoutez le son. C'est Érigé que vous écoutez. C'est la saga des Fab Four numéro 526. Thank you.

Thank you. chef-d'œuvre de Paul McCartney, Lady Madonna, et à l'instant Hey Jude. Hey Jude, la seule chanson dont la moitié du titre est constituée de simplement nananana. Hey Jude, et pourtant ça marche, et en concert, qu'est-ce que ça marche bien. Il avait demandé quel était le plus long temps qu'on pouvait mettre sur un sillon, on lui a dit 7 minutes 10, un truc comme ça. Et bien, il s'est arrangé pour que la chanson dure tout le temps du 45 tours, que ça prenne le premier jusqu'à la fin, et ça a marché. Allez, dernière chanson de la saga des Fab Four, à peu près, c'est Ringo Starr, avec Postcards from Paradise. Sur le même album, Postcards from Paradise, déjà en 2015, ça passe. I search here, there and everywhere, until I saw you standing there. I am the greatest fan of you, and love is all I've gotta do. It's all too much, my little child, if you would be my honey pie. 8 days a week you will be mine, and getting better all the time. I'm begging you, don't pass me by, and if you do, please tell me why. I know you told me yesterday you've got to hide your love away. I love you. yes, I love you. En théorie, ça devrait être la fin de la saga des Fab Four, mais allez, on en rajoute un petit peu. Un medley. Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love, Power Cut. I've waited all my life for you. Hold me tight. Take care of me and I'll be right. Hold me tight. Squeeze me.

c'est Paul McCartney. Alors pourquoi ne pas faire une triplette de Paul McCartney, même malgré ce medley? Voici Loveliest Thing, la face B de Figure of Eight. To me you are the loveliest thing I've seen all day. You can't take that away. No, you can't take that away. All my life I wondered why it couldn't be this way. That was up until the day. Oh, it had to be this way. Today, wait until the morning. Without suspicion, without permission given. You seem to have a friendlier smile than all the rest. Well, I looked and you were best. Yeah, I looked at all the rest. You can't imagine passionate words that I would say. Above suspicion, without permission given. Used to be an early bird, but how was I to know you would leave without shedding a tear? I only want to love you. I make a wish suddenly. J'avais promis à ceux qui nous suivent sur Facebook d'aller au moins jusqu'à 22h30. Ça va le faire avec la dernière chanson, Style, Paul McCartney. On monte le son jusqu'à la fin. RIG, c'est la radio des Beatles. People 1993, pendant les sessions de l'album Off the Ground, Paul McCartney sur RG. On va arrêter là, parce que, comme c'est mon chouchou, McCartney, si je me lance, je suis là pendant la moitié de la nuit et je ne pourrai pas. Merci à toutes et à tous d'être restés aussi longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci du fond du cœur. Merci d'être là, je vous adore. À bientôt. Ciao. loud. Merci Thierry. Ah non.